Et on devait également écouter Christelle Coton, qui vous prie d'excuser son absence. Elle est très mobilisée contre la réforme en cours de l'enseignement supérieur et donc se devait de participer au mouvement d'aujourd'hui. Et comme son texte est très intéressant, et surtout il est l'un des seuls à aborder la thématique du colloque sous l'angle non pas d'abord de la religion qui se saisirait des classes sociales, mais des classes, d'une sociologie des classes sociales qui se saisit ensuite de la question religieuse. Nous avons décidé d'en lire les passages essentiels pour que vous puissiez aussi en profiter. Et donc son texte initial étant néanmoins très long, il a fallu procéder à de nombreuses coupes, donc on espère que ça n'altérera pas trop le sens de la démonstration, tu pourras confirmer ou au contraire dire ce qui a été coupé en trop. Et voilà, donc c'est moi qui vais faire la lecture en essayant d'être le très démontrant. Donc le titre de son intervention c'était mobilité sociale. Je précise aussi donc que quand je vais dire je, ce ne sera pas moi, et là qui sait plus tant. Donc mobilité sociale, mobilité professionnelle et rapport à la religion en milieu officiel. Donc je. Le corps des officiers de l'armée de terre est volontiers présenté comme un univers professionnel où prédomineraient des individus engagés dans des pratiques et des croyances religieuses relativement homogènes, qualifiées de cathotradies avec des guillemets, autant par les officiers concernés par ces pratiques que par ceux qui entendent s'en démarquer. Si le corps des officiers reste marqué par une forte diversité à la fois sociale et scolaire, et si les officiers sont loin de tous se retrouver autour de pratiques et de croyances religieuses partagées, il n'en reste pas moins qu'un ensemble de dispositifs et de modes d'organisation interne à l'institution favorise la reconnaissance et la légitimation d'un type particulier d'engagement et de pratique religieuse. La prédominance donnée au modèle matrimonial fondé sur un mariage, au détriment du Pax, par exemple, dans les formes d'organisation familiale reconnues par l'institution, la présence d'une chapelle dans la grande majorité des établissements militaires, la possibilité pour les officiers catholiques de pratiquer leur religion durant leur scolarité ou lors des opérations extérieures, etc., témoignent de l'existence de dispositifs plus ou moins réglés qui légitiment ou banalisent certaines pratiques ou certaines croyances que l'on retrouve en priorité portée par les dominants du corps, c'est-à-dire ceux appelés à occuper les plus hautes fonctions de commandement. Cette communication s'intéressera donc à la place et aux fonctions que peut occuper le religieux dans l'édification et l'entretien des frontières sociales et symboliques qui différencient au sein du corps des officiers, les héritiers, c'est-à-dire le plus souvent de culture catholique traditionnelle. Donc il les différencie des cadres issus du rang qui doivent composer avec des attendus professionnels, culturels et religieux qui n'ont pas eu l'occasion de forger et d'incorporer dans leur sociabilité primaire. Il s'agira d'étudier en particulier comment la question religieuse s'invite dans les mobilités sociales et professionnelles engagées au sein de l'institution militaire, comment, sans évidemment conditionner l'accès aux positions dominantes de l'institution, elle se voit largement mobilisée pour qualifier et justifier la position et les inégalités de position des officiers au terme de leur carrière. Cette communication s'appuie sur des données ethnographiques et biographiques, en particulier les entretiens biographiques, récoltés dans le cadre de deux enquêtes de terrain de plusieurs mois menées dans des établissements militaires au début des années 2000, une école d'officiers et un régiment. Ces données qualitatives sont complétées par l'exploitation d'un questionnaire distribué à plus de 600 officiers, et dans lequel figuraient quelques questions sur les pratiques et les croyances religieuses et politiques. A noter, c'est elle qui le note, l'entrée religion n'était pas celle initialement retenue lors de la réalisation de l'enquête, qui était plus résolument centrée sur les rapports de classe engagés sous l'uniforme et les pratiques distinctives entre pairs. Cette communication se propose donc de relire un terrain et des données, à la fois qualitatives et quantitatives, qui n'ont pas été nécessairement constituées pour répondre à ces questions. Donc le grand 1 de sa communication, en fait, je donne le titre pour que vous suiviez, la convergence des croyances, le clivage des pratiques, homogénéité et hétérogénéité morale, religieuse et politique dans le corps des officiers. Le corps des officiers se prête tout particulièrement à une étude de la dimension morale et religieuse de la mobilité sociale et professionnelle. Les officiers constituent en effet un corps professionnel qui a longtemps été marqué par des formes de loyauté religieuse qui ont pu entrer en contradiction avec le processus de laïcisation de la République française, au XIXe siècle notamment, à l'occasion de l'application des lois laïques, l'affaire Dreyfus, l'affaire des fiches, etc. Encore aujourd'hui, l'assimilation du corps des officiers, et notamment de ses futures élites aux fractions les plus conservatrices de l'espace des croyances et des pratiques religieuses, notamment catholiques et politiques, est souvent faite. Cette orientation relativement conservatrice des élites militaires peut d'ailleurs se voir confirmée par les rares travaux qui ont cherché à dessiner les contours politiques et moraux des opinions des élèves officiers et des officiers aujourd'hui. Claude Weber, notamment, montre que l'appartenance religieuse au catholicisme, si elle n'est évidemment pas requise pour réussir son parcours de formation à Saint-Cyr, reste un attendu implicite important pour être légitimé au sein des promotions saint-cyriennes, que ce soit dans l'entre-soi des élèves officiers ou du point de vue de l'encadrement. La bénédiction de la ration, lors des sorties terrain à l'ESM Saint-Cyr, relève d'un folklore fréquemment évoqué en entretien. Il est adossé à des dispositifs plus quotidiens et plus susceptibles d'asseoir l'évidence de la pratique religieuse dans le corps. La célébration des messes est quotidienne, par exemple, sur le campus de l'ESM Saint-Cyr. La visibilité des lieux de culte et des manifestations religieuses tendent à normaliser la croyance religieuse et à la constituer comme un attendu. Cet implicite est tout à fait assumé par les élèves qui se plaisent à reprendre des attributs religieux lorsqu'il s'agit de caricaturer l'élève officier saint-cyrien. Celui-ci est le plus souvent représenté sous les traits d'un héritier, fils de militaire, issu d'une famille de tradition catholique, dans le culte de l'institution militaire, dans le culte de l'institution religieuse aussi, et de leur tradition. L'enquête d'Alex Albert sur la religion et les saint-cyriens confirme ces résultats. Donc c'est plus tard dans la carrière, le modèle peut continuer à en imposer. Les vrais officiers, avec des guillemets, ceux que l'on considère comme les plus à même d'incarner le modèle de l'officier, et qui sont aussi souvent le plus disposés à se sentir légitimes dans le corps, sont aussi souvent des officiers qui ont un relatif fort degré de pratique et de croyance religieuse, et qui ne le dissimulent pas, sans pour autant être nécessairement dans l'affichage et le prosélytisme. Les résultats du questionnaire... Les résultats du questionnaire distribué à 600 officiers illustrent cette tonalité religieuse au sein du corps. 80% des officiers, donc c'est un questionnaire qu'elle a réalisé, 80% des officiers se déclarent croyants et dans 98% des cas, cette croyance les inscrit dans le catholicisme. Près de la moitié des officiers se déclarent pratiquants, 52% se disent non pratiquants. Pour les officiers qui n'étaient pas familiers du milieu militaire et officier avant leur entrée dans la carrière militaire, cette tonalité religieuse est souvent quelque chose qui a été noté et qui est évoqué en entretien avec la sociologue. Quand les officiers qui n'avaient pas de famille militaire racontent leur entrée dans le corps, leur arrivée à Saint-Cyr ou en classe préparatoire militaire, ils pointent du doigt le fait que leur pratique religieuse, quand ils en avaient une avant de s'engager, a souvent été un vecteur d'intégration. Le récit du lieutenant Brice, aujourd'hui saint-cyrien, est sur ce point édifiant. Comme nombre d'anciens cornichons, c'est le nom donné aux élèves des classes préparatoires militaires, pour qui l'arrivée en classe préparatoire militaire ne fut pas évidente, donc il était sans famille militaire, il dit avoir dans un premier temps souffert d'un manque de maîtrise des codes du milieu. En revanche, ses souvenirs sont pétris du sentiment d'évidence qu'il ressent dès les premiers jours passés dans l'institution. Ce jeune homme pieux, marginalisé dans son lycée d'origine, découvre un univers où tout ce en quoi il croit semble enfin pouvoir aller de soi. Source d'une certaine marginalité dans le civil, sa pratique religieuse lui permet de s'intégrer plus facilement. Et je cite un extrait d'entretien qu'elle donne de ce lieutenant. « Moi, j'allais toujours à la messe avec mes grands-parents, et j'étais le seul jeune à assister à la messe, quoi. Bon, on a commencé par un stage cohésion, et il y a un prêtre qui vient pour faire une messe le dimanche, et il nous dit, voilà, on fera la messe sur ce petit coin de pelouse. Et je pensais très sincèrement être le seul à y aller. Donc j'y vais, je l'aide à préparer la messe, et là, je vois arriver des personnes, 10, 15, 20, et en fin de compte, on était une bonne cinquantaine. Donc tu vois, c'est le premier choc. J'ai vu ça nulle part, quoi. Donc là, c'était mon premier choc, je passe du civil au militaire. » Si on peut noter une certaine homogénéité dans les croyances religieuses, quand il est question de pratiques et donc des styles de vie associés, les lignes de clivage sont cependant plus nettes et elles distinguent nettement les officiers entre eux. D'après les résultats de l'enquête par questionnaire, donc le même questionnaire dont je vous ai parlé qu'elle a déjà fait, donc elle a distribué auprès de 600 officiers, il apparaît que l'origine de recrutement joue beaucoup sur la pratique religieuse. 64,3% des saint-cyriens se déclarent pas pratiquants, contre seulement 37,5% des officiers contractuels et 39,3% des anciens sous-officiers. Plus de 60% des anciens sous-officiers se disent non pratiquants, et c'est le cas de seulement 35% des officiers saint-cyriens. Cette polarisation permet de rappeler ici l'hétérogénéité interne du corps des officiers. L'homogénéité sociale et culturelle du recrutement des civils du corps, les saint-cyriens qui sont promis donc aux plus hautes fonctions, ne doit pas dissimuler la forte présence sur les rangs au régiment, notamment lors de la première partie de carrière des officiers, d'officiers issus du corps des sous-officiers ou d'anciens étudiants plus ou moins dotés, qui servent aujourd'hui sous un statut contractuel. Ces officiers, qui n'ont pas bénéficié dans tous les cas d'une socialisation en école d'officiers ou en classe préparatoire militaire, donc ils ne sont pas passés par ces grandes écoles, se distinguent des officiers issus des écoles par un taux d'engagement dans la pratique religieuse et la fréquentation d'établissements privés durant leur scolarité beaucoup moins marqué, mais aussi par des opinions moins conservatrices, notamment sur le rôle des épouses dans la carrière militaire des officiers. L'engagement dans la pratique religieuse distingue également le type de configuration familiale dans laquelle sont inscrits les officiers. Les officiers pratiquants sont plus souvent à la tête d'une famille nombreuse que les autres, et ils sont plus souvent issus de familles nombreuses eux-mêmes. On l'a aperçu dans cette première partie, les nouveaux entrants dans le corps tentent à prendre place dans un univers marqué par une certaine tonalité religieuse qui tend à instituer certaines pratiques et certaines croyances comme plus légitimes que d'autres. Ces observations soulèvent alors quelques questions. Dans quelle mesure la projection dans un milieu professionnel marqué par une économie morale et religieuse aussi marquée participe-t-elle à des formes de conversion et de recomposition des pratiques et des croyances des individus ? Le fait de se voir projeté dans le corps des officiers quand on est issu du corps des sous-officiers ou de fractions moyennes de l'espace social travaille-t-il les croyances, les valeurs et les pratiques religieuses et spirituelles des individus en situation notamment de mobilité sociale et professionnelle ? L'étude de la prédominance du catholicisme dans les croyances spirituelles des officiers permet donc de mieux comprendre la place qu'occupent les futures élites de l'institution religieuse dans l'espace social et les valeurs qui les animent. Mais elle permet également, nous allons le voir à présent, plus spécifiquement de s'intéresser à la façon dont l'étude du religieux peut alimenter une sociologie de la mobilité sociale et professionnelle qui soit attentive aux composantes morales, éthiques et religieuses des déplacements qu'elle impose à ceux qui sont amenés à monter ou à descendre dans le monde social. En effet, si la composante scolaire et culturelle de la mobilité sociale et professionnelle dans les armées a largement été étudiée, c'est en premier lieu en devenant ou en restant un bon élève que l'on peut s'élever sous l'épaulette d'officier. La dimension morale et religieuse des transformations et des conversions qui peuvent accompagner ou pas les trajectoires de mobilité sociale observées dans l'institution militaire restent en revanche relativement peu appréhendées. Donc j'en viens à sa deuxième partie intitulée « L'impossible conversion pour se faire une place ». À ce sujet, on peut mobiliser les conclusions intéressantes d'Alex Albert et de Claude Weber sur la religiosité à Saint-Cyr. Ils observent tous les deux un conformisme certain au sein des promotions de Saint-Cyriens, notamment en début de scolarité. Les élèves qui donnent le ton, éthos compatible avec les attentes de l'encadrement, élèves élus sur des fonctions centrales dans la vie de la promotion, et qui sont le plus souvent fils d'officiers eux-mêmes, se distinguent également par une religiosité et des pratiques religieuses marquées et remarquées. La première année de formation voit alors une part très importante d'élèves engagés dans les célébrations et les manifestations religieuses qui ponctuent la scolarité. Mais ce phénomène diminue avec le temps, comme si le conformisme imprimait moins fortement les pratiques au terme des 3 ans de formation. On peut interroger ce mouvement que l'on peut noter plus largement dans le corps. Si l'entrée dans le corps peut s'accompagner de formes de conversion, inscription de son fichier des scouts, fréquentation de l'église et du catéchisme, il apparaît également, lorsque l'on retrouve le temps long des carrières, que ces pratiques tendent souvent à diminuer avec le temps. On pourrait multiplier les observations qui accréditent donc bien l'idée qu'il n'y a pas de prosélytisme, avec des guillemets, dans les armées. Si les officiers pratiquants trouvent tout un ensemble de dispositifs qui leur permettent pleinement de vivre leur foi dans leur métier, l'institution militaire n'est évidemment pas engagée pour autant dans des formes d'imposition ou de sélection sur des bases religieuses ou morales. Il est tout à fait possible, bien évidemment, de ne pas être catholique pratiquant et de trouver une place dans l'institution et la hiérarchie militaire. Il apparaît cependant que le fait d'être catholique pratiquant, peut être associé à un ensemble plus vaste de ressources autorisant à des formes de légitimation et d'assurance dans le corps. Il est en effet intéressant de noter que les officiers pratiquants de l'enquête sont plus souvent saint-cyriens que les autres et ils servent également plus souvent dans des armes de mêlée, c'est-à-dire des armes combattantes, qui sont plus reconnues dans le corps et qui alimentent plus nettement les futures élites de l'institution. Les chefs d'état-major de l'armée de terre, les fonctionnaires du gouvernement de Paris, etc., sont plus souvent occupés par des officiers ayant servi dans des armes de mêlée. Le fait d'être catholique, dans le même temps, le fait d'être catholique pratiquant peut être compris comme une ressource, parmi d'autres, dans les trajectoires de mobilité professionnelle au sein de l'institution. Plus précisément, on peut noter que l'appartenance et la pratique religieuse tendent assez clairement à remplir des fonctions distinctives et excluantes dans le corps, de la même manière que d'autres pratiques socialement situées, comme la pratique de l'équitation par exemple, peuvent s'imposer comme une pratique légitime en milieu officier. Mais peut surtout servir à exclure ceux qui n'en maîtrisent pas les codes, en tout cas pas de longue date. Alors je cite un extrait d'entretien de Lebel, lieutenant Saint-Cyrien, chef de peloton, 26 ans, de parents ingénieurs agronomes. Pour certains, l'équitation à Saumur, donc c'est la citation, hein. Pour certains, l'équitation à Saumur, donc c'est une école d'application de l'armée blindée cavalerie, c'est l'ascension sociale par l'ascension professionnelle. Si on parlait sport, c'était équitation. Alors j'adore l'équitation, hein, c'est pas le problème, mais il faut arrêter. C'est vouloir se donner un style alors qu'on sort pas du tout de ce milieu-là. C'est pas naturel, il faut être naturel. Moi je suis issue de ce milieu-là, bien élevée, enfant sage, j'ai eu des pantalons courts jusqu'en 6e. Et si on en fait une finalité, ça ne va pas. Ça devient une fin de rouler en licence 6, c'est ridicule. C'est ce que j'appelle l'ascension sociale par l'ascension professionnelle, ça m'a gonflé. Fin de citation. La fonction essentiellement distinctive et excluante de la pratique religieuse est aussi perceptible dans les gestes d'humeur des plus religieux des officiers, qui peuvent, comme ils le font avec d'autres pratiques socialement situées et sources de distinction, stigmatiser les novices, c'est-à-dire celles et ceux qui adoptent, à leur arrivée dans le corps, des pratiques auxquelles ils n'avaient pas accès jusqu'alors. La religion fonctionne ainsi comme une ressource distinctive en entre-soi officier, un signe permettant de rappeler qu'on en est, ou de franchir ponctuellement les frontières qui traversent le corps des officiers. Prendre en charge l'étude de la question religieuse dans le corps des officiers revient à poursuivre les recherches sur tout le travail de déculturation, de redressement et de correction, pour citer Bourdieu, en matière morale, religieuse et politique, qui peut être engagée pour corriger, entre guillemets, celles et ceux qui sont en situation de mobilité sociale, c'est-à-dire de s'intéresser aux effets des apprentissages impropres qui entravent la maîtrise des bons codes, toujours pour citer Bourdieu, dans les distinctions. Dans le cas militaire, cela nous a amené à nous demander si on pouvait observer des formes de carrière morale dans le corps des officiers, en parallèle des trajectoires professionnelles. On arrive donc à sa troisième partie, intitulée « Les risques professionnels de la radicalité religieuse et politique ». Donc pour conclure cette intervention, j'aimerais, en guise de conclusion et au titre d'une piste d'analyse qu'il faudrait renforcer, continuer à tirer le fil de l'existence d'une potentielle forme de carrière morale, religieuse et politique que l'on pourrait saisir en parallèle des mobilités professionnelles et sociales des officiers de l'armée de terre. On l'a vu, si les officiers issus du rang ou non, issus des fractions les plus pratiquantes de la bourgeoisie traditionnelle, peuvent temporairement travailler leurs pratiques et leurs croyances pour coller à la tonalité ambiante à l'œuvre dans le corps des officiers, on ne peut cependant pas, à proprement parler de conversion ou de transformation radicale. Les possibilités de s'emparer des façons d'être et des façons de faire associées à ces croyances restent limitées pour nombre d'officiers, en particulier parce qu'elles prennent appui sur les sociabilités primaires et la fréquentation d'institutions spécifiques, scout, catéchisme, groupe des prières, qu'ils n'ont pas pu engager plus jeunes. Ces observations tendent à invalider l'hypothèse d'une radicale transformation morale et religieuse de ceux n'ayant pas hérité en amont des dispositions permettant de coller au mieux aux modèles les plus valorisés dans le corps. Pour cela, je m'appuierai sur des observations, notamment réalisées auprès des officiers de culture catholique traditionnelle, donc c'est ceux les plus légitimes dans le corps, qui donnent à voir des officiers dont les croyances religieuses et politiques sont appelées à évoluer, à se voir travailler dans le cadre de leur mobilité hiérarchique. Ces officiers, très conservateurs sur le plan religieux et politique, et particulièrement assurés de la validité de leur positionnement moral et religieux, autant que politique, souvent d'ailleurs anti-républicains, étaient également souvent amenés à déplorer les incertitudes que ces positionnements, qu'ils savaient être jugés comme radicaux ou extrémistes avec des guillemets dans le reste du monde social, pouvaient leur coûter à l'extérieur des casernes, mais également au cœur des sociabilités professionnelles militaires. Il était notamment fréquent de les voir se retourner prestement après avoir tenu un propos radical et d'insinuer la crainte de se voir surveiller ou fiché par des supérieurs. Nombre d'officiers appelés à occuper des fonctions de haut commandement m'ont longuement expliqué combien ils devaient se surveiller et mener d'intenses efforts pour ne plus tenir et défendre les positions politiques, religieuses ou morales qui leur tenaient à cœur, mais bien celles attendues d'un officier supérieur en poste dans des fonctions plus exposées au monde civil. Nombreux sont les officiers conservateurs à avoir ainsi suggéré qu'il était nécessaire de niveler certaines positions publiques pour monter en grade à un certain niveau, afin de ne pas être trop en rupture avec le sens commun civil, le sens commun des élites civiles vis-à-vis desquelles les élites militaires, nous pourrions le développer, non, je ne pourrais pas, nourrissent nombre de complexes. Donc je cite un extrait d'entretien, on discute des sujets qui pourraient tomber à l'oral du concours, enfin, c'est un extrait de Journal de terrain, pardon, c'est pendant une soirée. On discute des sujets qui pourraient tomber à l'oral du concours du brevet technique. C'est la version scientifique du concours de l'école de guerre. S appréhende de tomber sur le mariage gay. Au bout de 20 minutes, je risque de perdre mon calme, surtout si je tombe sur un connard du Conseil d'État. Les sujets qui impliquent de donner son avis sont dangereux. Ils veulent voir si tu es malléable, si tu vas défendre ton truc contre la mission. S en jouer le côté démocrate centriste, démocrate chrétien, il cherche des arguments qu'il pourra défendre en ce sens. On peut saisir un véritable travail d'ajustement engagé par les officiers les plus conservateurs, un travail d'ajustement directement associé à des temporalités et des configurations accompagnant des montées en grade et des processus de sélection interne. Ces observations conclusives permettent de retrouver la question initiale qui porte cette communication et qui cherche à saisir la dimension morale, politique et religieuse de la mobilité et de l'ascension professionnelle et sociale dans l'armée. On voit ici que cette question de la dimension morale de la mobilité ne peut pas se penser uniquement sur le registre de la trahison de sa classe, c'est-à-dire la conversion, ou d'une forme de fidélité extrême que les individus pourraient témoigner à l'égard de leur groupe d'origine, c'est-à-dire plutôt l'absence de conversion. En réintroduisant l'étude des carrières militaires et de la place des élites militaires dans le champ du pouvoir, on peut également saisir des formes de conversion, le mot est sûrement trop fort et il faudrait nuancer, donc plutôt des conversions morales, religieuses et politiques chevillées et arc-boutées aux logiques de carrière et aux mobilités professionnelles des élites militaires, notamment à l'occasion de leur progressif engagement dans le monde des élites civiles, duquel elles sont tenues à distance durant la première partie de leur carrière. Voilà, merci beaucoup pour elles.